Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'est jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, vous avez la patate ce matin ? Wesh, gros, à la cool. Cette nuit, une fille du Sud s'est jetée sur moi. Et faut pas croire, je ne suis pas un prud'homme. Mais bon, la suite... C'est le secret de l'isoloir. Alors dites-nous plutôt, professeur Mauduit, quel est notre patient ce matin ? Eh bien, pour ce dossier Epsilon numéro 14, professeur Colin, nous recevons un grand malade de la bouffarde. Ah, un amateur de la pipe ? Le commissaire Maigret ? Non, là, vous n'y êtes pas du tout. Allez, comme d'hab, je vous la fais en trois briques. Professeur Colin, attention, écoutez bien. Baker. Baker ? Joséphine, Banane, Dick Rivers, Dick Tracy. Oh, calmez-vous, là, personne ne vous suit. Attention, deuxième brique, Conan. Conan le barbare ? Pas du tout, allez, attention, concentrez-vous. Baskerville. Ah, alors là, ça a du chien comme patient. Sherlock Holmes, c'est classe. D'autant qu'Omar Radad en aurait bien besoin pour la révision de son procès. Enfin bon, allons-y, professeur Mauduit, étudions le dossier de ce fin limier britannique. Qu'on sonne Monsieur Watson et qu'il apporte au labo le dossier de Monsieur Holmes. Allez, Sherlock, à table. De toute façon, mon cher Watson, pourquoi voulez-vous que le public, qui n'a aucun sens de l'observation, qui ne reconnaîtrait pas un tisserand grâce à ses dents, pas un compositeur grâce à son pouce gauche, pourquoi le public s'intéresserait-il aux finesses de l'analyse et de la déduction ? Ben voyons. Toujours un brin de mépris chez ce monsieur Holmes, n'est-ce pas ? Mais ne sous-estimez pas notre public, Sherlock. Car voyez-vous, les auditeurs du ministère psychique sont des personnes raffinées qui savent apprécier l'analyse et les déductions, fussent-elles loufoques et absurdes. Alors maintenant, mon vieux, tu fermes ton clapet, tu poses ton cul sur la chaise et tu écoutes ce qui turlupine le professeur Mauduit dans ton foutu dossier psychologique à qui nous donnons la parole. Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, les pathologies holmésiennes sont lourdes. Je pourrais évoquer ici, par exemple, son addiction à la cocaïne. Je pourrais également m'étendre sur sa féroce misogynie, ou je pourrais encore décortiquer ses troubles alimentaires inquiétants. Mais je crois qu'il faut avant tout insister sur la pathologie la plus ancrée chez M. Holmes, à savoir le syndrome de la fouine. Autrement dit, il fourre son nez partout, y compris dans sa poudreuse, à tel point qu'il pourrait prétendre à nous remplacer. Ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir combien on peut faire un parallèle entre le personnage de Sherlock Holmes et l'analyste laïque défini par Freud. La méthode, elle est définie par Holmes de cette façon tout à fait lapidaire. Quand il présente à Watson les personnes qui viennent chez lui, voilà ce qu'il lui dit. Ce sont des gens en peine de quelque chose, qui se débattent dans une nuit qu'ils me demandent d'éclairer. J'écoute leur histoire, puis ils écoutent mes commentaires. À la fin, j'empoche mes honoraires. À la fin, j'empoche mes honoraires ? Escroc, va ! C'est un métier, bon sang ! Enfin bon, nous allons voir si l'acuité psychanalytique de Sherlock Holmes résiste aux analyses du ministère psychique, puisque durant 53 minutes, nous allons établir ensemble un authentique diagnostic non négociable afin de savoir si oui ou non les méandres psychologiques de Sherlock Holmes recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre curieuse séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte le son, mon ami, et sois le bienvenu. C'est la panique, alors amorçons ensemble cette chronique. par les envolées lyriques d'un pensionnaire britannique du ministère psychique. Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you smile. All human life is here, from the feeble old dear to the screaming child. From the student who knows that to have one of those would be a suicide. National Express, c'est le rapide pop de la Divine Comédie et c'est dantesque. Dans quoi ? On m'a demandé quelquefois pourquoi j'avais passé 7 ans à écrire mon autobiographie. J'ai intitulé le dernier volume La force des choses parce qu'il va de 1945 à 62 et à cette époque, depuis la guerre, je me suis rendu compte de l'importance que les circonstances avaient dans le déroulement d'une existence. Alors qu'auparavant, je croyais que ma vie était une histoire que je me racontais. Avant tout, le ministère psychique remercie le professeur Simone de Beauvoir pour son assertion introductive au cas psychique de notre patient, car en effet, la vie est une histoire que l'on se raconte jusqu'à ce qu'on prenne conscience de l'importance des circonstances. Ainsi, le ministère psychique s'occupe aujourd'hui d'un bien étrange bonhomme dont la vie se raconte comme un roman policier, à savoir ce cher détective londonien Sherlock Holmes. Et pour commencer nos investigations dans les tréfonds de l'inconscient holmésien, le ministère psychique a voulu comprendre ce mystérieux syndrome de Castor et Pollux, matiné de Montaigne et de la Boétie, qui a profondément marqué toute la vie de Sherlock. Une dérive psychotique profonde pour un détective dont l'existence est fondée tout autant sur ses déductions analytiques que sur sa relation anxiolytique avec ce brave docteur Watson. Oui, mon ami, quelle est l'architecture mentale qu'ont construit Sherlock Holmes et son ami Watson ? La personnalité de Sherlock Holmes est bien complexe et son rapport aux autres est bien difficile à comprendre. Eh oui, on ne sait presque rien de sa famille, sinon l'existence d'un frère prénommé Mycroft. Ensuite, Sherlock est un célibataire entêté et son rapport aux femmes est des plus confus, mais nous y reviendrons plus longuement dans quelques minutes. En revanche, la relation humaine la plus stable de Monsieur Holmes, c'est bien évidemment ce lien puissant qui unit le détective à son ami et biographe, le docteur Watson. Alors, comment comprendre cette amitié intense ? Eh bien, il faut le dire, Sherlock et Watson ont trouvé une solution pratique à la crise du logement et au loyer délirant, la colocation. Car c'est bien connu, dans la vie, mieux qu'un gros salaire ou qu'un gros compte en banque pour s'en sortir, rien ne vaut d'avoir un bon copain. voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Et ainsi, la personnalité de Sherlock Holmes s'est construite à l'aune de celle de Watson, un bon copain avec qui il partage tout, ses soucis, ses mystères, ses interrogations et même sa salle de bain. Bon, sur ce point, il est vrai que parfois, il y a quelques embrouilles dans la colocation car ce gros porc de Watson, il oublie systématiquement de rincer le bac de douche après s'être décrassé. Et ça, l'expert détective Sherlock Holmes, il ne peut vraiment pas s'y faire. C'est quoi ? Des cheveux prélevés sur la scène de la violation de domicile, regarde. Vas-y, dis-moi ce que tu vois. Je vois un max de trucs. Regarde l'extrémité des follicules. Ah ouais, il y a des bidules minuscules. On dirait des graines, ou des sacs, ou des poches. Mmh. Ce qui montre que le cheveu a été arraché, comme ça. Oh ! Mais t'es barge ! Tu vois la racine ? On la voit seulement quand les cheveux ont été tirés violemment. Ce qui veut dire qu'il y a eu lutte. Bon, moi aussi, je m'arrache. Sans rancune, mon frère. Mouais. Sans rancune, c'est vite dit. Parce que toutes ces petites crises ancillaires entre Sherlock Holmes et le docteur Watson, alimentent des tensions qui explosent quand les deux fins compères se retrouvent dans les Landes du Devonshire, à la recherche d'un kleps pour jouer à la fourrière. Oh mais quel con alors ! Qui ça ? Qui ça ? Mais vous ! Vous n'avez pas l'idée de se garer dans cette merde ! Mais gueulez pas comme ça ! Vous me dites de m'arrêter, je m'arrête où je peux, moi ! Et vous arrêtez dans la merde, c'est bien ce que je dis. Je m'arrête peut-être dans la merde, mais j'ai pas du caca dans les yeux, moi. Comment ? Je dis j'ai pas du caca dans les yeux. Quand j'ai la photo d'un type dans la poche, je suis pas obligé de faire deux voyages pour le reconnaître. Ah oui ? Oui, je me marre. Le grand professionnel qui a du caca dans les yeux, je me marre. Il a pas arrêté de m'engueuler toute la journée, le grand professionnel. Et quand il se connaît à sa coupable, il dit pardon et il s'en va, alors je me marre. Et oui, je me marre. Ça reste tout de même le leitmotiv des aventures de Sherlock Holmes et de Watson qui, sous leur air parfois austère, ne manquent jamais une occasion pour flirter avec la déconne. Même au cœur d'enquêtes épineuses. Très curieux. De quoi s'agit-il ? Un meurtre ? Un suicide ? Un vol. Que me signale un de mes amis d'enfance, que vous connaissez, je crois, Sir Dudley. Nous avons été élevés ensemble. Vol qui s'est perpétré chez un membre de la Chambre des Lords. Hein, lequel ? Lord Durin ? Lord Hackett ? Lord Yerose. Et que lui a-t-on dérobé ? De l'argent ? Un bijou ? La bite ? Quoi ? Oui, vous avez bien compris. La bite, il fait de l'élevage sur une grande échelle. Ça ne doit pas être facile de faire monter ces animaux là-dessus. Toujours amusant. En réalité, il possède une immense lande à proximité du vieux manoir qu'il habite, et c'est là que tout s'est passé. Ah, c'est ça. Il avait un bœuf sur la lande et on le lui a ôté. De plus en plus drôle. Et comment ça s'est-il produit ? Pour ça, attendons que j'aie interrogé la bite, ce que je ferai dès que nous serons arrivés au manoir. Et voilà, de manoir en manoir, de cottage en cottage et de bed and breakfast en fish and chips, Sherlock Holmes ne se sépare jamais de son docteur Watson quand il sillonne l'Angleterre. Mais alors pour quelle raison Sherlock ne peut-il se passer de son comparse ? Eh bien, tout simplement parce que Sherlock, toujours en train d'éberluer la galerie avec ses incroyables déductions logiques qui font frémir la police scientifique de TF1, gagne beaucoup de la compagnie de son bon docteur Watson. Surtout quand le mystère s'épaissit comme de la jelly. Qu'est-ce que ça dit ? Laissez dans loge de concierge, 10 oies avant théâtre, méfiez-vous rue Calante, signé Lion qui voit rouge. C'est affreux, je ne me rendais pas compte qu'il était si tard, je dois parler. Ah, ne soyez pas idiot, c'est de toute évidence une sorte de télégramme codé, il ne reste plus qu'à le déchiffrer. Ça signifie quoi ? Vous pouvez me le dire. Calante, rue du Calante, rue du Calante, rue du Calante. Je suis convaincu que la clé se trouve dans le mot Calante. Ça fait 6 lettres. En les mettant en anagramme, voyons un peu ce que ça nous donne. Latnac, taclant, canlat. Si ma mémoire est bonne, canlat signifie en égyptien littéraire manger du lard gras. Nous sommes sur la bonne voie. Avez-vous essayé le code scolaire ? Plaît-il ? Celui des écoliers. On garde un mot sur 3. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? Nous n'avons pas affaire à des imbéciles. Tout ce que ça donnerait, c'est loge 10, théâtre, rue Lyon Rouge. Vous n'allez pas me dire que c'est du thé, cette chose? Non, c'est de l'eau chaude. J'étais en train de laver la tasse quand vous vous en êtes emparé. Eh oui, rien de tel qu'une tasse d'eau chaude pour séparer deux êtres de chair. C'est le pendant humain des seaux d'eau froide avec les chiens. La colocation construite entre Sherlock et Watson est donc fructueuse, mais c'est sans compter la pression sociale d'une Angleterre encore baignée d'une morale toute victorienne. On ne peut continuer à vivre sous le même toit. Il faut se séparer. Toute cette affaire est ridicule. Nous n'avons rien à cacher. C'est bien ce que j'essayais de vous dire. Si une personne lançait une rumeur, ne serait-ce qu'un seul mot, on la poursuivra pour calomnie. Jamais personne n'osera. Après tout, vous avez eu d'enviables succès auprès du sexe faible. C'est vrai, pardieu. Je trouverai des femmes des trois continents pour témoigner en ma faveur. Et vous aurez des femmes qui répondront de vous, n'est-ce pas, Holmes? J'ai raison, Holmes. Je pose une question. Et sans vouloir faire de suppositions gratuites, il y a tout de même eu des femmes dans votre vie, hein? La réponse est oui. Mais vous faites des suppositions gratuites. Les suppositions gratuites, voici la principale menace à la colocation de Baker Street. Ainsi, comprendre l'architecture mentale de Sherlock Holmes nécessite de décrypter la relation profonde que le détective entretient avec son ami médecin, toujours à ses côtés, de quoi élargir un peu plus le trou de la sécurité sociale. Et comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de M. Sherlock Holmes peut être une menace pour notre société. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Eh bien, professeur Colin, j'ai étudié à la loupe le dossier de notre patient du jour, le vénérable Sherlock Holmes, dont vous avez déjà souligné les penchants pervers pour la cocaïne et le tabac, des substances olé-olé et oléoduc dans lesquelles il se fait des pipelignes. Mais à bien étudier le dossier, je vous le dis, Sherlock Holmes a des circonstances atténuantes. Et il ne faudrait pas le corriger trop vertement. D'ailleurs, professeur Colin, je rappelle que votre surnom souligne votre penchant pour les châtiments corporels. Et je t'en colle un. Et puis surtout, vous n'êtes pas professeur sans raison. Il y a quelques petites internes ici qui en ont déjà fait les frais. Et aujourd'hui, on dirait des babouins. C'est malin. Ça va pas ou quoi ? Alors, revenons à Sherlock Holmes. Pourquoi lui trouver des circonstances atténuantes ? Eh bien, tout simplement parce que son créateur a été d'une ingratitude crasse. Oui, Sherlock Holmes est né en 1887 sous la plume de Conan Doyle, qui d'ailleurs lui a donné un frère et s'est réservé les titres de père et de sœur. Après un début de carrière complice, un drame affreux s'est produit en 1891, quand Sir Conan Doyle a tué sa créature en le faisant tomber mystérieusement dans les chutes de Reichenbach en Suisse. Comment vous prononcez le suisse ? Reichenbach. Ah oui, c'est bien. Ouais, je suis à fond. Ouais. Pourtant, sous la pression populaire, Conan Doyle a été obligé, 10 ans plus tard, de ressusciter son rejeton. Donc, en battant par là même le record de 3 jours détenu jusqu'alors par un athlète palestinien. Oui, mais Conan Doyle fut plus que jamais jaloux de la popularité de Sherlock Holmes, qui, de son côté, vivait avec volupté ce succès populaire. Car quand on est amateur de pipe, se faire un peu de succès, ça fait plaisir. Pourtant, la popularité de Sherlock Holmes a été utilisée à des fins politiques. Une fois ressuscité, cet archétype du britannique flegmatique a été utilisé pour renforcer l'entente cordiale. Et c'est dans ce contexte d'une alliance entre la France et le Royaume-Uni qu'il faut comprendre ses aventures. En effet, Sherlock Holmes a des origines françaises. Et oui, il est le petit-neveu du peintre Horace Vernet, c'est le frère de sa grand-mère. Ensuite, dans la nouvelle intitulée « L'aventure du pince-nez en or », écrite en 1804, l'année même où le Royaume-Uni et la France ont signé l'entente cordiale, on apprend que Sherlock Holmes est fait chevalier de la Légion d'honneur. Ses signes ne trompent pas. Sherlock Holmes est un peu français, il mérite donc toute notre indulgence. Cependant, à ce sujet, le père dépasse peut-être sa créature. Puisque Conan Doyle, médecin et détective à 16 heures, s'est approché de très près d'un mythe franchouillard. En effet, à l'époque où à Paris, Rouletabille mène l'enquête, à Londres, le chauffeur de Conan Doyle n'était autre que Jules Bonneau, l'anarchiste braqueur. C'est authentique, un peu comme si Mesrine avait conduit Léo Mallet ou comme si aujourd'hui le patron de Lehman Brothers avait David Connolly comme chauffeur. Le père de Sherlock Holmes a été conduit par le père de la bande à Bono. La bande à Bono, aujourd'hui disparue, autre temps, autre mœurs, ou plutôt, comme on dit au Mangin Palace, « au tempora, au mores », selon cette Sherlock Q sur latine. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patient, hypochondrie aiguë et délires analytiques tarabiscotés. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patient, un peu cocaïnomane, et toujours enfermé dans son univers intime, au point de ne plus reconnaître son entourage. L'avez-vous déjà vu quelque part ? Rafraîchissez-moi donc la mémoire. Extasé devant une toile de Vixen à Rome, Londres ou Rennes. Vous m'appeliez Étienne, cherchant le magicien et sa dose. New York, Café Reggio, je suppose. En plein cœur de l'ivresse, au milieu du chaos. Accoudé à un bar, vous m'appeliez. Vous en avez de bonnes à Lisbonne. De Salas à Paname, Amsterdam. Était-ce une quille ou un glaçon, va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon. Pourvu qu'il soit le bon. Sur d'experts toboggans, vous m'avez vu glisser. Vous y glisser avec délice. Certes. J'aime tout, je veux goûter à vous. Oh, j'aime tout, je me donner à vous. Avant que je m'en aille, jouer à qui perd gagne et de la vie faire les pas. Attraction désastre, et tu viens avec moi faire l'avion. Des attractions désastre. En 1991, Étienne Dao cherchait son magicien et sa dose. Lorsqu'un siècle plus tôt, le débonnaire Dr. Watson s'improvisait dealer de coke pour notre patient Sherlock Holmes. Droguez, va ! Trifouiller la face cachée du patient. Telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez le patient. Alors maintenant, après avoir décortiqué cette singulière relation qui unit le docteur Watson à notre patient Sherlock Holmes, il est temps, me semble-t-il, de trifouiller la psychologie enfouie de ce curieux détective victorien. Et avant tout, connais-tu cette étrange discipline scientifique que l'on appelle les études holmésiennes ? Non ? Eh bien vois-tu, depuis presque un siècle maintenant, ce merveilleux canular littéraire se perpétue et des centaines d'ouvrages ont été publiés dans le monde entier. De quoi s'agit-il précisément ? En gros, le but avoué de cette discipline prise très au sérieux consiste à retracer la biographie, mais aussi à décrypter, entre autres, les caractères psychologiques du héros de Conan Doyle à travers les récits du Dr. Watson. De la sorte, les plus fervents admirateurs de Sherlock Holmes entretiennent le mythe holmésien par le biais de réflexions littéraires très pointues. Et du coup, ce matin, dans un esprit de collégialité, le ministère psychique a décidé d'apporter sa pierre à l'édifice des études holmésiennes. Ainsi, en concertation avec notre équipe médicale, nous avons choisi de concentrer notre analyse sur les relations qu'entretenait M. Holmes avec la gente féminine. Alors, primo, basons-nous sur les récits canoniques, à savoir que nous a appris le Dr. Watson au sujet des femmes chez Sherlock Holmes. Les femmes ne doivent jamais inspirer une confiance totale. Pas même les meilleures d'entre elles. Que dites-vous là ? Je ne dis rien de tel, vous l'avez dit, si j'en crois le docteur Watson. Ah, Ce bon docteur a la manie de placer des paroles dans ma bouche. Alors vous le niez ? Pas du tout. Je ne suis pas à 100% un admirateur de l'espèce féminine. La plus affectueuse de toutes celles que j'ai connues était une criminelle. Ce fut une des plus passionnantes affaires. Elle volait du cyanure qu'elle répandait sur les rognons flambés qu'elle servait à son mari. Tenez, par exemple, ma fiancée. Votre fiancée ? Mm-hmm. C'était la fille de mon professeur de violon. Nous avions décidé de nous marier. Les invitations étaient envoyées. Je m'étais fait faire un habit, et 24 heures avant notre mariage, elle est morte de l'influenza. Ce n'est que pour justifier mon opinion que les femmes sont des êtres imprévisibles. Et aussi qu'on ne peut compter sur elles. Oui. D'après les récits du docteur Watson, Sherlock Holmes se méfiait terriblement des femmes. Résultat, tout au long de ses aventures, il nous est présenté comme un célibataire endurci. Certes, mais qu'en est-il réellement ? Eh bien, pour en savoir un peu plus sur Sherlock Holmes et les femmes, il faut se concentrer sur des aventures totalement apocryphes et notamment sur une énième enquête résolu par M. Holmes, assez méconnu, il faut bien le dire, et simplement intitulé « Touche-moi le bigorneau » ou plus précisément « Touch me the bigorneau ». Cela dit, quelle en est l'intrigue ? Bon, nous sommes dans la nuit du 6 avril 1883 à London, et voici ce que nous raconte le docteur Watson. De très bonne heure, un matin d'avril 1883, je m'éveillais parce que Sherlock Holmes, tout habillé, s'approchait de mon lit. Ah, désolé de vous tirer du sommeil, Watson, fit-il. Qu'est-ce qui se passe, le feu ? Non, non, pas le feu, une cliente. Il paraît qu'une jeune dame vient d'arriver très excitée et qui insiste pour me voir immédiatement. Elle m'attend dans le salon. À 6 heures du matin, donc, nos deux compères descendent au salon pour rencontrer cette jeune femme hystérique. Sache au passage que ce matin-là, Madame Hudson, la gouvernante du 221B Baker Street, était absente. Et du coup, c'est Sherlock Holmes lui-même qui a servi le thé à sa jeune cliente, une rousse magnifique. Dans la foulée, M. Holmes chercha à en savoir un peu plus, bien sûr, sur les raisons de sa présence chez lui dès Potron Minet. Et maintenant, voulez-vous me dire clairement ce que vous attendez de moi ? Voilà. Il s'agit d'une amie qui... Menteuse ! Un homme sans scrupules me fait chanter. Savez-vous quel est cet homme qui vous fait chanter ? Eduardo Gambetti. Gambetti ? Oh, du lait, du sucre. Eduardo Gambetti. Ce salaud vous a demandé une somme d'argent en échange de quoi exactement ? Monsieur Gambetti a promis de ne pas donner à mon fiancé une petite lettre idiote que j'avais envoyée à un jeune homme que j'avais rencontré par hasard. Qu'y avait-il dans cette lettre ? Rien. Rien, juste quelques banalités. Vous savez comment on en écrit à ce genre d'homme. Qu'y avait-il dans cette lettre, Miss Hill ? Vous ne voulez pas m'appeler Jenny ? Qu'y avait-il dans cette lettre, Miss Hill ? Et ça ne vous dérange pas si je vous appelle ici ? Qu'y avait-il dans cette lettre, Miss Hill ? Je disais seulement que je voulais lui toucher son bigorneau. Quoi ? Toucher son bigorneau. Sherlock Holmes fut immédiatement passionné par ce curieux code secret. Car que signifiait exactement cette expression sous la plume de Miss Hill ? Cette jeune femme rousse qui semblait si prude. Très vite, M. Holmes se mit au boulot pour résoudre cette nouvelle énigme. Et tiens-toi bien, l'esprit brillant de Sherlock Holmes n'eut besoin que de 24 heures pour démêler cette intrigue. Et c'est au petit matin suivant que le docteur Watson découvrit ce que signifiait précisément le toucher du bigorneau chez Miss Hill. Holmes n'est pas rentré de la nuit. J'imagine que l'enquête doit être particulièrement difficile. Élémentaire, mon cher Watson. Holmes, content de vous voir. Alors, un résultat ? Oh, bien maigre, bien maigre. Je veux que tu saches que je suis pas une marchandise avariée. Je suis pas du tout ce qu'on appelle une poufiasse. Et je suis vraiment une fille bien. Et puis si je me branche avec un mec, je suis 100% monogame. Avec un seul mec, c'est ça ? Exactement. Si je suis avec toi, alors je suis avec toi et ça veut dire avec personne d'autre. Et il y a autre chose qu'il faut que je te dise. Quand t'as dit que cette nuit, t'avais jamais pris un pied pareil, c'était sur plan physique ? Eh ben, mais, oui, ben, oui, pas seulement. Je voulais parler de toute la soirée. Vous devez être complètement épuisé. Vous ne rentrez plus jamais, on ne vous voit plus. Il n'a pas dormi depuis 3 jours. C'est qu'un homme, après tout. Oui, M. Holmes n'était qu'un homme. Et comme il avait un gros appétit sexuel, bien souvent, après avoir abondamment consommé le plaisir de la chair, il n'était qu'une loque. Cela dit, les études holmésiennes peuvent déjà s'enrichir de notre première découverte, car tu apprends ici combien notre détective londonien n'était en réalité qu'un redoutable serial fucker. Sache que Miss Hill, par exemple, ne fut qu'une proie sexuelle parmi tant d'autres. Sans cesse, Monsieur Holmes multipliait les enquêtes féminines. Ce qui exaspérait d'ailleurs Madame Hudson, sa gouvernante. Tiens, dans cette aventure-là, touche-moi le bigorneau, eh bien, lorsqu'elle est rentrée à Londres en train le lendemain, elle était furax, Madame Hudson, et elle s'est confiée au docteur Watson. Il vient me chercher à la gare, on va chez lui, on se fait un petit repas chinois et crac-crac. Normal. D'ailleurs, je sais pas si c'était le gingembre, mais c'était super. Enfin, bref, je hurle. Normal. Oui, normal. Moi, j'aurais fait pareil, tu sais. À ce moment-là, le voisin, bam, bam, bam, qui cogne au mur en criant « Mets-lui un oreiller sur la tête à ta gonzesse, c'est pire qu'hier. » Bon, ça faisait quand même une semaine que j'étais partie. J'oublierai jamais le « c'est pire qu'hier ». Et il a même rajouté « c'est pas un bésodrome ici ». Bon, alors je l'ai cuisiné toute la nuit. Et vers 6 heures, il a avoué sa nouvelle assistante, une rousse, une vraie rousse. Il paraît que c'est rare, ça, je sais pas. Non, bah c'est rare que ça, tu sais. Marion, la copine de Ludo, là. Bon, mais c'est aussi une vraie rousse, hein. Elles ont des peaux magnifiques, fragiles, mais magnifiques. C'est Ludo qui me l'a dit. Bon, ça va. Rajoute pas. Oui, bon. Eh oui, les études holmésiennes peuvent désormais, grâce au ministère psychique, s'enrichir de cette deuxième information. En effet, parfois, Monsieur Holmes honorait la brave Madame Hudson. C'est pas joli joli tout ça, hein. Mais bon, la véritable question psychanalytique, c'est de savoir pour quelle raison la psyché de Sherlock Holmes a toujours refusé le sentiment de l'amour. Pourquoi a-t-il toujours fui la merveilleuse aventure du couple ? Eh bien, toujours dans l'optique d'enrichir les études holmésiennes, découvrons dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue menée par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, quelles furent les raisons qui ont poussé Sherlock Holmes à s'engouffrer dans le stupre. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses propres conclusions sur les troubles émotionnels de notre patient. L'interne, pointez-vous au labo. Allez, hop, démonstration. That's the radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Quelque part en Angleterre, aux environs de 1870, Sherlock Holmes intègre le collège dont on ne connaît pas vraiment le nom. Oui, bah désolé, mais dans cette histoire, c'est pas moi le détective. Si Sherlock était limite doté de la science infuse concernant les autres, c'est assez difficile de connaître certains détails de sa vie. Pourtant, avant même d'être un détective renommé, Sherlock avait bien des ambitions quand il était encore ado. Qu'est-ce que tu comptes faire plus tard ? Je veux m'enrôler dans l'armée. Et devenir général. Les généraux ne font pas fortune. Je préférerais devenir écrivain. Les écrivains ne gagnent pas un penny. Je veux devenir avocat à la cour. Ah, les avocats gagnent énormément d'argent. Holmes, et vous ? Que voulez-vous être dans la vie ? Je veux ne jamais être seul. Oui, avant de résoudre moult enquêtes, Holmes s'était lancé dans une première et bien complexe énigme. Trouver l'âme sœur. Facile, me direz-vous, nous sommes en Angleterre. Mais bon, pas tant que ça. Alors Sherlock use des grands moyens pour ratisser large. Hello, London, in England. If you are blonde, at a big, big poitrine, typically English. It interests me. You can call me at n'importe quelle heure of the night or of the nuit. Call me. I love you. I want to fuck you. Le message a le mérite d'être clair, mais certaines tombent quand même sous le charme. Du coup, Sherlock va débuter un vrai travail de terrain et opère la phase drague. Et à la fac, t'as des cours intéressants ? Ouais, surtout le féminisme postmoderne. Ah, ça doit être cool. Quelle belle nuit. Je trouve aussi. Je dis toujours, c'est quand même bien le printemps. Non, c'est vrai, c'est cool, quoi. Je sais pas, c'est peut-être l'odeur de la pluie et tout ça, quoi. Mes copains m'appellent Nova. Tu comprends, Casa, Nova. Mais c'est nul. Bah c'est ça, vas-y, t'es pas obligé de te foutre de ma gueule. Mais non, mais faut que t'apprennes deux ou trois trucs, c'est tout. Lesquels ? Déjà, arrête d'en faire trop. Te crois pas obligé d'emmener les nanas dans des coins pittoresques pour leur débiter des poésies ringardes. Bon, Sherlock a encore beaucoup à apprendre avant d'élucider le mystère féminin. Mais toujours en quête d'infos, il persiste dans sa recherche et use de ses propres méthodes d'investigation. Tu as aimé ? Ouais. Combien de fois t'as joui ? Je sais pas. Plus de 2 fois ? Je sais pas. Hein ? Je saurais pas te le dire. Enfin, pourquoi est-ce que tu me poses toutes ces questions ? Je veux savoir. Est-ce que tu m'aimes ? Non. Et ben voilà. À vouloir traquer la vérité, surtout à 17 ans, ça peut faire mal. Mais un chagrin d'amour, c'est l'amour sans amour. Et l'amour sans amour, ça n'est plus de l'amour. Laisse le temps à l'amour de redevenir l'amour. Et tu verras l'amour, ça n'est rien que l'amour. En tout cas, c'est juré, ce premier chagrin d'amour sera le dernier. Et en bon élève, Sherlock saura tirer les leçons de cette expérience. Vous voyez, messieurs, Monsieur Holmes a été vaincu parce qu'il a oublié un point important. Ses émotions l'ont dominé. Il a fait fi de la discipline. Ne remplacez jamais la discipline par l'émotion. Et si les femmes resteront pour lui un mystère, la misogynie sera par contre sa première révélation. J'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainées. Tu connais ? Pourquoi ? Tu veux m'emmener ? On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Toujours est-il que je lève l'encre. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne complètement déjanté du ministère psychique pour son point de vue éclairé sur la misogynie évidente de Sherlock Holmes. Cela dit, cette vie de débauche et de luxure nous explique aussi pourquoi M. Holmes méprisait autant Scotland Yard, les flics quoi, qui ne manquaient jamais de lui coller la brigade des mœurs aux trousses dès qu'il sortait la nuit. Il y a plein de taches de foutre sur les draps. Très impressionnant. Il s'est envoyé en l'air avant d'être envoyé ailleurs. Mes amis, c'est très délicat. Un homme à l'esprit civique, très respectable. Et qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons une très civique et très respectable cocaïne. Alors maintenant, après avoir essayé de mieux comprendre les tourments psychologiques qui ont conduit notre patient londonien à devenir un fieffé misogyne, passons dès maintenant à l'étude pseudo-psychanalytique de la propagation contemporaine des syndromes pathologiques de Sherlock Holmes. Oui. Sauf que là, tu te dis... Attends, Coco, tu m'enfumes, là. Déjà que le mec en question, c'est un personnage de fiction, et qu'en plus, il est britannique, alors franchement... Comment veux-tu qu'on décèle des reliquats à la con de son architecture mentale dans notre vie quotidienne ? Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Tu n'as pas tort, mais laisse-nous te convaincre du contraire. Primo, comme d'habitude, nous avons soumis son dossier à une analyse critique fondée sur les travaux cliniques du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Juste pour voir. Et le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le docteur Yvan Beaujolais, a donc tenté d'expertiser les résonances des troubles psychiques de Sherlock Holmes dans nos actualités quotidiennes. Alors, professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons si, oui ou non, les névroses de Monsieur Holmes résonnent dans notre monde du présent. L'expert jungien, un pécon bière et une suze, avec des chips. D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Donc, c'est ici que le rêve intervient. Il relate les faits qu'on essaie de tenir secrets. Mais ce qu'il raconte est tout emmêlé comme les pièces d'un puzzle sortant de la boîte. Holmes, c'était quoi ce soir ? Morphine ou cocaïne ? Permettez-moi de vous dire qu'il y a dans le dopage des substances absolument licites et qui sont détournées de leur usage. J'ai fait l'essai d'une solution à 7% de cocaïne. On voit que la conduite dopante n'est pas réservée, hélas, au sport de haut niveau, au sport de performance. Confiez-moi les plus obscurs cryptogrammes, les plus étranges intrigues à dénouer. Je m'y retrouve dans mon propre domaine, où je me dispense de faire appel à tous ces stimulants. Le problème qui se pose à l'analyste est d'examiner le puzzle. Si une fois dans votre vie vous vous serviez des principes de logique que je m'efforce de vous enseigner. Sherlock Holmes est joyeux. Donc, Sherlock Holmes doit avoir une affaire. Dans l'affaire Clearstream, Michel Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur, souhaite aujourd'hui que l'enquête aille vite. Ce que je souhaite, c'est que la justice puisse, le plus rapidement possible, éclaircir cette affaire. Monsieur Holmes, j'ai d'autres affaires que celle-là. Mais aucune qui soit d'un intérêt national aussi grand que celle-là. Cette affaire de listing truqué qui mettait en cause des hommes politiques. Je suis personnellement concernée puisque mon conjoint a été aussi l'objet d'une de ces tentatives de déstabilisation, sans doute moi à travers lui. Remettre les pièces dérangées à leur vraie place. Votre affaire est sans aucun doute l'une des plus sombres dont je me sois occupé jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire aux Français une chose. Une fois le calme rétabli et la confiance rétablie, la France ne laissera pas cette situation sans conséquence. J'avoue ne voir aucun rapport. Je m'y attendais. Ceux qui ont fauté seront sanctionnés. S'il arrive avant que l'oiseau se soit envolé, il l'arrêtera. Mais si, comme j'en ai l'intuition, il trouve le nid vide, ce sera tant mieux pour le gouvernement. Ce qu'il faut changer dans les institutions internationales et dans la politique, nous le changerons. Si on ne présente à un auditoire que le point de départ et la conclusion, on peut produire un effet très spectaculaire. Des trous noirs, des trous béants ne doivent plus exister. Des pans entiers d'obscurité. À qui le crime peut-il profiter ? Ah, mon vieux Sherlock, si tu savais comme nous aimerions nous aussi savoir à qui profite ce crime, bon sang. Quel dommage que tu ne sois plus là pour fouiner dans les arcanes de cette sombre affaire. Certes, le journaliste Denis Robert, lui, a bien fait son job, mais ensuite, ils l'ont bien garrotté, pépère. Alors justement, si certaines névroses holmésiennes squattent en effet notre temps présent, il n'en demeure pas moins qu'à contrario, certaines de ces dérives obsessionnelles nous fassent cruellement défaut aujourd'hui. À commencer par son opiniâtre ténacité à résoudre intelligemment les enquêtes. Et oui, car il est à peu près certain qu'avec Sherlock Holmes, nous aurions pu éviter deux ou trois grosses bourdes. L'affaire Omar qui rebondit. Omar, c'est ce jardinier qui était en prison parce qu'on l'accuse d'avoir tué Guylaine Marshall, une richissime veuve assassinée cet été sur la Côte d'Azur. Voici Monsieur Holmes. Quoi ? Sherlock Holmes ? J'aurais dû me douter que vous viendriez vous mêler de cette affaire. Elle avait inscrit avec son sang, souvenez-vous, avant de mourir, le nom d'Omar sur le mur du garage. Omar a toujours clamé son innocence. Et d'ailleurs, il est en grève de la faim depuis 3 semaines à Fresnes. Mais le juge refuse de le remettre en liberté. Pourtant, les charges qui pèsent contre lui ne sont pas bien lourdes. Je connais le coupable. Non, c'est vrai, qui est-ce ? Le coupable, c'est le professeur Moriarty. Encore lui ? Et surtout, un rapport d'autopsie récent indiquerait que Madame Marshall serait morte le lendemain de ce qu'on avait cru d'abord. Cela aussi innocenterait Omar. Ah, il n'y a plus de grands crimes à présent, Watson. Les criminels aujourd'hui n'ont aucune envergure ni originalité. Au mieux, ils commettent des assassinats si maladroits, avec des motifs si transparents, que même un inspecteur de Scotland Yard peut y voir au travers. T'as qu'à croire, Sherlock. Sans doute auriez-vous rapidement démontré l'innocence d'Omar Radad, Monsieur Holmes. Mais sachez qu'ici, Sherlock, il fut condamné à 18 ans de réclusion criminelle avant d'être libéré par le biais d'une grâce présidentielle. Alors bien sûr, Monsieur Radad tente désormais de faire réviser son procès pour être blanchi. Mais remettre en cause la justice et les enquêtes de police, t'imagines bien, Sherlock, que personne ne se bouge le boule. D'ailleurs, notons au passage que parmi les obsessions de notre détective londonien, il y avait le mépris des méthodes de Scotland Yard, les flics de la reine, car il les trouvait grossiers, primaires et expéditifs. Et bien là encore, je crois par exemple que M. Vittorio de Filippis, journaliste au quotidien Libération, partage allègrement les points de vue de Sherlock Holmes à ce propos. Effrayante affaire que cette interpellation faite par des cow-boys d'un père de famille et journaliste pour une simple accusation de diffamation. Sérieusement, souhaitons qu'il y ait des sanctions nucléaires avec risque de radiation. Mais bon, là encore, il faudrait un véritable esprit holmésien pour mener ici une authentique enquête. Car en général, il faut être futé comme Sherlock Holmes pour savoir interroger les barons de l'ordre public. Bonsoir. Bonjour. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mon général, mais on m'a chargé de faire une petite enquête à propos de coups de feu. Ce qui m'a frappé, c'est François Mitterrand et Jacques Chirac. Et en définitive, Juppé s'est retrouvé éliminé. Ah, c'est très très intéressant, mon général. Et à terme, finalement, c'est le mouvement gaulliste qui, en tant que tel, a disparu. Je peux regarder dans les placards? Je ne sais pas encore. Mais voyez-vous, mon général, quelque chose me disait que vous étiez incapable de l'avoir jeté. Il représentait bien trop de choses. C'est vrai que cette période a été caractérisée par une opposition permanente entre les Chiraciens et les Baladuriens, et ça a conduit à ce que l'on sait. À vrai dire, mon général, on ne sait rien de très précis. Il paraîtrait que la victime aurait porté comme une sorte d'uniforme. Bien malin qui le dira. Est-ce que vous n'auriez pas un pistolet? Ce que je pense qu'il ne serait pas inutile de rappeler de temps en temps, c'est que lorsqu'on instruit une affaire, la loi fait obligation d'instruire à charge et à décharge. Je voudrais vous demander, vous avez des domestiques? Ce n'est pas moi qui dirigeais les forces de l'ordre. Vous savez, il est inévitable qu'il y ait un dérapage à un moment ou à un autre. J'ai bien peur de m'être dérangé pour rien. Même moi qui étais ministre de l'Intérieur, je n'ai jamais pu savoir qui avait donné l'ordre de les faire intervenir. Voilà, pour autant que ça paraisse extraordinaire, mais c'est comme ça, voilà. Vous savez ce qui me surprend? Au fond, dans tout ça, vous vous rabaissez vous-même. En partie, oui, en partie, non. Bon, voilà, ça, c'est une vérité. Ça, c'est du pipeau. Merci, mon général. C'est formidable. Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Ouais, tu parles. Heureusement, nous avons ici, au ministère psychique, quelques clones holmésiens qui contribuent réellement à entretenir l'esprit malin du Sherlock. Du coup, l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre cette petite enquête à résoudre. Ainsi, découvrons ensemble sa redoutable acuité devant une grosse énigme. Comme d'habitude, c'est surréel et total frappadingue, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, je t'aime bien, Sherlock, avec ton look baroque et ton pote Watson le doc. Vous êtes des barrés, des loufoques. Grâce à toi, Sherlock, j'ai résolu une énigme mastoc. C'était en été, il y avait un kidam à l'air chafouin qui me dit t'es pas cap de retrouver mon aiguille dans cette botte de foin. Je lui dis attends un peu, vieux pape. Alors, comme toi, Sherlock, j'ai pris une loupe pour mater la paille. Et le soleil à travers la loupe a chauffé la broussaille. Et tout d'un coup, il y a eu le feu. Yeah. Tout le foin a cramé. Yeah. Il n'y avait plus que des cendres et l'aiguille au milieu. Voilà. J'avais gagné mon pari. Et le type, lui, était vert. Il a pari. Merci, Sherlock, mon capitaine ad hoc. Tiens, un jour, si tu veux danser sur scène avec un groupe de filles comme Clo-Clo et les Claudettes, je t'ai trouvé un nom, c'est Sherlock et les Olmettes. Et on prendra que des Norvégiennes, les Olmettes. Je suis trop con. Bones and even mine.